la crème du 9-1. La putain de ténébreuse mafia suceuse. Département trop loin, donc ils sous-estiment. Alka, Katana, Fix PK, ténébreuse mafia. Zino Lafra, Kevin Ramos, ALKPOTE, bande de suceuses, bande de fugueuses, bande de buveuses. 9-1, et ça, tu sors le maquis comme le Hezbollah. Coup de fusil, tout le monde crie star, voilà. Je remets ma chéchia, ça part en guérilla. Zino, trop schizo, je balance des grosses raptas. Rap de malfrat, nous on vole là-bas. Carnivore à la recherche de viande fraîche. Ici la dalle, pousse mes gars à vendre de la cesse. À enfiler la cagoule, piocher dans les caisses. Y'a pas mille façons de s'en sortir dans nos caisses. Nique tous ceux qui se prennent pour des justiciers. Le genre art, la plupart n'ont rien pour le justifier. Ramène les huissiers, appelle les officiers. 91 Évry pour couronne, le sang va gicler. Beaucoup de jaloux vont pister. J'ai appris sans conduite assistée sur ghetto et terrain risqué. ZINO, gros flow certifié. La crème du ghetto, cherche pas à rectifier. J'suis tellement bien dans l'ombre, à fumer la résine. Que si le succès braque, c'est projo, il va me brûler la rétine. Poto, j'te considère plus que j'ai la tétine. Mais si ça devient trop chaud, es-tu prêt à rétine comme l'autre chaud? On se mélange mal, dur d'émerger. On a dû se démerder, esquiver les putes, les RG. Coule un bronze au comico, une sale merde t'attend. Le silence est d'or dans nos affaires d'argent. Quel tapant, balayette, t'attrapes Alzheimer. Tu me portes l'œil, j't'échange un scalpel contre ton eyeliner. On fait bronzette sous la lune jusqu'à pas d'heure. On apprend le rap à ces putes d'amateurs. Évry les Ulysses, crier subit. Ta mort sera violente même si ta vie est sublime. C'est les Santa, le QB. On sort le gros son et les outils. Les fanatiques font youpi. Ténébreuse mafia, Los Monzas. Les sons est bien chargé comme ton Yax. Des Ulysses à Évry, avertis les ch'tards et les bonnes blondasses lorsqu'on passe. C'est ténébreuse mafia, Los Monzas. Les sons est bien chargé comme ton Yax. Des Ulysses à Évry, avertis les ch'tards et les bonnes blondasses lorsqu'on passe. Département spécial, hors norme, glacial comme le pôle Nord. C'est chacun dans son cocon. Sors pas des trucs spatiales, bonhomme, fais pas trop le con. T'as pas le contrôle face aux 91. Ils rêvent de brûler nos mosquées. Dites-leur qu'on est chargé, qu'on finira pas menotter. Hey. Les Ulysses c'est un yep à part. Nous mélange pas, c'est Los Monzas. Et vis pas tes merdes là-bas. Maintenant tu le sais, nos carrières t'expliquent comment avancer sans succès. Maintenant tu le sais, on est connu des gens, l'air des enculés. Hey. Maintenant tu sais, ouais. Tu te demandes si ça bouge ou ça bouge pas. Ça touche ou ça touche pas. Ça couche ou ça couche pas. La vitesse c'est les coups et les trous de balle. La trouvaille impossible. Faire du pif sans faire le mal. 91 hardcore. Alka verse moi un peu d'alcool. Que je kick sur la prod. Que je tire sur leur corps. Chien. Oublie le deuil. Ils savent c'est QB. Flow d'artifice. La force écarte ses seufs. Tu sais que les nazis y participent. C'est Evry les Ulysses. C'est Uzi cellule grise. Les chèques sont tellement lourds que le beat a pris la cellulite. Instoppable dans mon œuf, ça vole grave. Voilà, il s'est des fourrailles sur des 20 grammes. Surtout des 20 srap. Fix PK, la ténébreuse mafia. Vite décale, la tête c'est creuse ma foi. Mais fais bélec, on pourrait venir t'enlever. Parce que ta ville est froide et vide comme un 1er janvier. Oublie l'Iran, la bombe est dans les sols. PD, tu veux mes scores, fais un effort. La 6 était mort. Fix PK. Petite pétasse, la ténébreuse mafia pour les misérables. Si, ténébreuse mafia, Los Monzas. Les sons est bien chargé comme ton Yax. Des Ulysses à Évry, avertis les ch'tards et les bonnes blondasses lorsqu'on passe. C'est ténébreuse mafia, Los Monzas. Les sons est bien chargé comme ton Yax. Des Ulysses à Évry, avertis les ch'tards et les bonnes blondasses lorsqu'on passe.